Trois jours après, les voyageurs descendaient un chemin sablonneux. Ils étaient quatre. Elle ne portait qu'un paquet de linge à son bras, elle, la compagne chassée de quelques roulottes, ou la libérée d'une maison de correction, l'errante qui s'était jointe à l'errant. La petite Noémie l'accompagnait. L'enfant allait craintivement le long de la robe, courant parfois de peur d'être en retard, car la femme marchait vite et n'attendait pas Louarne, qui retenait sur la pente la petite voiture plus chargée qu'au départ. C'était lui qui traînait toujours Lucienne, comme auparavant. Il était plus sombre que jamais, et il ne parlait plus aux enfants, et ce qu'il avait de bon et de résigné dans le regard, autrefois, il ne l'avait plus, même quand il regardait la compagne qu'il avait acceptée. Celle-ci ne s'occupait pas de lui. Elle marchait au bord de la route, déhanchée, les yeux furetant autour d'elle, comme celles qui ont la coutume de vaguer. Quand elle passait à proximité d'un verger, elle sautait la haie pour ramasser des pommes, des poires ou des grappes de raisin. Il n'y avait qu'à lui faire signe, d'ailleurs, pour qu'elle s'occupât des enfants, ou de les faire manger, ou de les porter, dans les endroits difficiles où la charrette aurait versé, ou de repriser leur robe ou leur bas à la halte. Elle n'avait ni empressement ni résistance. Presque toujours, au coin de sa lèvre, elle portait un brin d'herbe qu'elle écrasait entre ses dents blanches. Louarn au milieu du chemin et traînant Lucienne, la femme sur la gauche, Noémie derrière elle, il descendait, silencieux, le chemin sablonneux et tournant. Le jour était beau. Un air lumineux semblait vouloir baigner et guérir toutes les plaies de l'automne. Des vignes s'étendaient aux deux côtés des haies, qui n'étaient plus que de petite épaisseur, pleines de viornes, d'épines vinettes et de houblons. On vendangeait presque partout. L'odeur du vin nouveau descendait les coteaux et roulait vers les peupliers et les saules jaunis qu'on voyait au bas des vignes. Jamais Louarn n'avait senti si vivement le lourd parfum qui flotte, un mois durant, sur les coteaux des provinces tièdes ou chaudes de la France. Il en éprouvait comme un vertige, mais quand le vent d'ouest, par intervalles, fraîchissait, la maigre figure se redressait, et Louarn regardait le ciel tout plein d'un grand souffle de vent, compagnon qu'il reconnaissait. Une émotion aimée renaissait en lui. À un dernier détour, le chemineau s'arrêta. Ses lèvres taciturnes, pour lui seul, murmurèrent deux mots « La mer ». Au bout d'une prairie aussi unie qu'une route, un large fleuve coulait. Il avait la majesté d'un de ces bras de mer qui entament le granit breton et se prolonge par un tout petit torrent tordu comme une vrille. Il avait ses plages de sable, ses anses, son mouvement de marée, son ouverture élargie vers l'ouest. Et Louarn, que rien n'avait ému vivement parmi les choses qu'il avait vues en voyage, répéta, en respirant largement, « La mer, la mer !» La femme dédaigneuse leva les épaules et dit, « Tu n'as donc rien vu, c'est la Loire. » Ils reprirent leur marche, à travers le pré maintenant, et dans le plein souffle de ce vent du large qui venait boire l'odeur des vendanges et la mélanger à son odeur d'écume. Louarn avait l'œil brillant, fasciné par la lueur de l'eau en mouvement. Le nom de la Loire ne lui disait rien. Il pensait aux eaux qui montent et se retirent sur les grèves. Il pensait aussi que, de l'autre côté, ce devait être enfin la Vendée. Bientôt, le sentiment qu'il allait à jamais s'éloigner de la Bretagne vint lui étreindre le cœur. Louarn marcha moins vite, et il se taisait, tout blême, parce qu'il allait passer ce qu'il appelait la mer, et ce qui était bien la mer pour lui, la grande frontière qu'on ne repasse plus quand on émigre. La femme n'avait aucune conscience de ce qu'il pouvait souffrir, mais Noémie, s'étant approchée de son père par hasard, il lui prit la main et la garda. L'enfant se mit à dire « Une voile, regardez, une voile !» Mais il ne regarda qu'elle, la petite Noémie, et si tendrement qu'elle en fut surprise, et qu'elle le considéra, se demandant « Qu'ai-je donc ?» La prairie où il s'avançait, dans le vent continu de la Loire, se trouvait aux environs de Varade, assez loin du bourg et du pont. Ils s'approchèrent de la rive, et Louarn, ayant aperçu un homme qui se disposait à traverser le fleuve dans son bateau, le héla et demanda passage. L'autre considéra cette chétive caravane. Il était riche, comme beaucoup de paysans de la vallée, et la misère lui paraissait un tort. « Faut bien rendre service, dit-il, mais je suis pressé. Appelez donc votre femme qui muse. » À ce mot, « votre femme », Louarn frissonna si fort que le batelier, nourri de pain blanc et de vin, se prit à rire. Il fallait peu de choses pour l'amuser. la compagne de Louarne cueillait des champignons dans le pré et les serrait dans le pli de sa jupe relevée. Elle arriva, lente malgré les appels, se baissant encore afin d'augmenter la récolte, leur souper pour le soir. Pendant qu'elle venait, le paysan, accoudé sur sa perche qui tremblait au courant de l'eau, ayant observé les cheveux crêplés, la mine insolente et négligée de la femme, reprit « C'est un sacré métier que vous faites là, toujours courir. On ne gagne pas d'argent. Allons, embarquez. » Ils ne répondirent pas et montèrent dans la bargue plate où ils installèrent la petite charrette et tout le bagage. Sur le banc, à l'avant du bateau, Louarn s'assit à côté de Noémie et de nouveau il lui prit la main et la tint serrée, serrée. Mais il ne parlait pas. Il ne regardait pas non plus son enfant. Ses yeux erraient sur l'eau luisante où le bateau s'en allait à la dérive, puis sur les lointains de la Loire, aux deux côtés. Noémie était réjouie de ce glissement qui l'emmenait. Elle n'avait plus à marcher. C'étaient les choses qui coulaient derrière elle. Vers le milieu du fleuve, elle sentit se resserrer un peu plus sur sa main la main du père. Elle vit qu'il avait sa figure de souffrance, à demi détournée vers la nappe fuyante et illuminée de soleil jusqu'à l'extrême horizon. « Mignonne, » dit-il tout bas, « est-ce que ça ne te rappelle rien, cette grande eau-là » L'enfant suivit la direction de la main à peine soulevée et hocha la tête, ne trouvant rien. « Moi, » reprit le père aussi doucement, « ça me rappelle la mer. Comme qui dirait Iphignac et la grève des guettes, tu ne te souviens pas ?» Cette fois, la petite voix répondit, « Non. » « Tu ne te souviens pas de ton grand-père, le Clèche, le pêcheur qui avait un bateau, lui aussi ?»« Non. » Nous étions pourtant allés le voir une fois avec toi, avec... Il allait dire avec ta maman Donatienne. Mais il se retint. Son front se pencha vers les planches du bateau et la petite l'entendit qui disait « Je suis tout seul au monde. » Il ne se redressa plus avant d'avoir atteint l'autre rive. Alors Louarn sortit du bateau, remercia d'un mot le paysan qui avait déjà amarré la chaîne et s'éloignait, et debout sur le sable, au pied des oseraies, tourné vers le fleuve, il ne regarda plus qu'une chose, la Bretagne, déjà lointaine, et qu'il apercevait pour la dernière fois. Il était si absorbé par la contemplation de la prairie, des côtes de vignes traversées une heure plus tôt, des frondaisons mêlées de chemins et fuyant au nord-ouest, et de ce qu'il voyait sans doute au-delà, qu'il laissa Noémie descendre seule, qu'il laissa sa compagne passer devant lui et l'injurier, traînant la petite charrette et portant le panier. Il demeurait seul. Il avait toute l'âme dans les campagnes d'où il venait. Elle se jetait impétueusement, malgré toutes les résolutions, jusqu'au lieu où il avait tant souffert. Et c'était pour y souffrir encore. Il se perdait en des adieux dont lui seul savait la raison, et la cruauté, et la place nombreuse en un cercle tout étroit où sa vie avait tenu. Dans les soleils, loin déjà, une voix lui cria « Louarn, vas-tu venir ?» Il s'éveilla. Elle reprit « Par où faut-il que j'aille ?» Il répondit. « Toujours devant nous, toujours. » Puis, se détournant, il suivit la misère qui l'appelait, et ils s'enfoncèrent vers le centre de la France.